Lettre sixième, par le travers des Baléares, le 22 septembre 1817. Nous avons doublé le Cap Creus avec une rapidité désespérante, et les côtes d'Espagne ont commencé à s'élever. À quelques lieues de Barcelone, nous avons joué d'un coup d'œil tout à fait ravissant. Je ne t'en donnerai qu'une idée imparfaite. Nous n'étions qu'à trois encablures d'un petit village, lorsqu'un point lumineux, formé sur le sommet de la montagne qui le domine, a frappé nos regards. Bientôt il s'est accru avec une rapidité étonnante et a disparu quelques instants après pour reparaître plus brillant et plus étendu. On eût dit un incendie que le vent propageait au loin. Nous jouissions du spectacle d'une belle mer. Le Mont Juï, terrible boulevard de Barcelone, nous apparaissait avec sa teinte noirâtre. La pâle blancheur du village se réfléchissait par intervalles dans des flots faiblement agités, tandis que la pointe de nos mâts et l'extrémité de nos voiles recevaient avec plus ou moins de force la lumière qui descendait du sommet de la montagne. N'est-ce pas là, dis-moi, un tableau digne de Vernet? Cette lumière était produite par les forges de Palafox. Nous voici en face de ces îles, jadis si fameuses et aujourd'hui si déchues de leur antique célébrité. Ce ne sont plus ces rocs sourcilleux, couverts d'une éternelle verdure, nous descendirent, à droit frondeur, des milliers d'hommes agiles et robustes, qui retardèrent du moins la conquête de leur pays. Les Baléares ne nourrissent plus que des esclaves, avilis par trois siècles d'ignorance. Non loin des deux principales îles, Majorque et Minorque, est un rocher nu appelé Cabrera. C'est là que, pendant la dernière guerre d'Espagne, le génie barbare des Anglais a exposé 12 000 Français prisonniers de guerre, par suite de la capitulation du général Dupont, à toutes les horreurs de la misère la plus affreuse. Et lorsqu'après le retour du roi en France, on expédia de Toulon une corvette pour aller recueillir ces infortunés, 3 000 seulement avaient survécu au mauvais traitement dont on les avait abreuvés. Exténués, mourant de faim, les premiers qui aperçurent le drapeau blanc dans le désordre de leurs idées, coururent se cacher dans des grottes qu'ils avaient disputées à des reptiles. D'autres, à peine maîtres de leur premier transport, se précipitèrent dans la mer pour rejoindre la corvette française. L'avidité avec laquelle ils se jetèrent sous les vivres qu'on leur présenta dicta au sage capitaine la conduite qu'ils devaient tenir. Il mit le plus vif empressement à arracher à la mort des malheureux sans vêtements et dont la plupart avaient perdu l'usage de la raison. Ils ne pouvaient en croire leurs yeux. En vain, les soins les plus tendres, les attentions les plus délicates leur disaient qu'ils se trouvaient avec des amis. Ils se regardaient avec effroi, souriaient du sourire de l'insensé. Et victimes encore du souvenir de leur infortune, ils repoussent avec horreur ceux qui les rendaient à la vie, à leur famille, à leur patrie. Le port Mahon, dont la prise a prouvé à la France que le duc de Richelieu ne savait pas moins soumettre une place qu'une belle, est un des plus beaux et des plus sûrs du monde. Je suis fâché de ne pas relâcher à Minorque. J'avais déjà deux beaux points de comparaison. Le vent est toujours favorable, quoique faible, mais les îles se perdent déjà dans l'horizon et je m'en éloigne sans regret. Les dangers qu'un de mes frères y a courus prouvent assez que ces peuples sont étrangers à toute espèce de connaissance, et que la carrière des sciences est souvent aussi périlleuse que celle des armes. Adieu.